trop de temps. Faut que je pense à un qui t'a dans ma tête. Je crois qu'elle va mettre les menottes. Choqué, choqué. Moi je vais te doter de toi. Choqué, choqué. Moi je vais la doter, doter. Choqué, choqué. Moi je vais te doter de toi. Choqué, choqué. Moi je vais la doter, doter. Ah ouais. Je ferai tout pour toi. Tu es mon seul combat. Moi c'est ton cœur que j'ai doté, bébé. De temps en temps, je suis pas là. Mais tu sais qu'avec toi, Hayati, je peux que briller. Je t'ai donné la dot, notre amour vaut plus que Ferrari. Moi j'ai le contre nous, le cinquième, il est sur ta main, bébé Naraye. Perdu trop de temps, faut que je pense à un qui t'a dans ma tête. Je crois qu'elle va mettre les menottes. Choqué, choqué, moi je vais te doter de tout. Choqué, choqué, moi je vais la doter, doter. Choqué, choqué, moi je vais te doter de tout. Choqué, choqué, moi je vais la doter, doter. Ah ouais. Je dors pas la nuit, je repense à son regard. Faudrait que j'agisse avant qu'il soit trop tard. Choqué, choqué, je récupère moula, choqué. Choqué, choqué, moi je vais te doter, doter. Choqué, choqué, moi je vais la doter, doter. Choqué, choqué, moi je vais te doter, doter. Choqué, choqué, moi je vais la doter, doter. Ah ouais. Choqué, choqué, patan bure, bure. Ah, ça est niet van hier. Hoofdpijn geeft mij aspirin. Choqué, choqué, moi je vais te doter de toi.